Un grand nombre de mots qui en français finissent en R, A-I-R-E, comme nécessaire, contraire, vocabulaire, finissent en ario en espagnol. Ario, A-R-I-O, ario. Alors, par exemple, nécessaire se dit... Necesario. Necesario. Et c'est comme possible. Hein? Ça s'écrit avec un seul S, car le double S n'existe pas en espagnol. Donc, necesario avec un seul S. Dites-moi, ce n'est pas nécessaire. No neces... Attention, ce n'est pas nécessaire. Ah oui, no es necesito. Oula, nécessaire se dit... Necesario. Bien, donc, encore une fois, ce n'est pas nécessaire. No es necesario. D'accord, no es necesario. Et comment direz-vous, je n'en ai pas besoin maintenant? No lo necesito. No lo necesito, c'est bien ça. Maintenant? Ahora. Ahora, oui. No lo necesito, ahora. Je n'en ai pas besoin maintenant. Comment dira-t-on, je suis désolé, mais je ne l'ai pas? Je suis désolé. Lo siento. Oui, mais je voudrais entendre plus nettement la syllabe accentuée, hein, celle sur laquelle vous insistez à l'oral. Lo siento. D'accord, hein, lo siento. Mais... Pero... Je ne l'ai pas. No lo tengo. D'accord, lo siento, pero no lo tengo. Hein? Je ne l'ai pas et j'en ai besoin maintenant. Je ne l'ai pas. No lo tengo. No lo tengo, d'accord. Et, hein, et se dit I, hein, qu'on écrit Y. Donc, I. I. Et, hein, I, j'en ai besoin maintenant. Lo necesito ahora. Bien. No lo tengo, je ne l'ai pas. Y lo necesito ahora. Et j'en ai besoin maintenant. No lo tengo y lo necesito ahora.